Quand dehors la nuit s'enfuit, emportée par ses blancs chevaux, quand le soleil comme une fête vient annoncer le jour nouveau, quand la clarté pâle de l'aube vient caresser tes longs cheveux, je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Je pose ma tête sur ton épaule et je chante les jours heureux. Alors le temps s'écoule comme l'eau vive d'un torrent. La vie a le goût du bonheur et tous les parfums du printemps. Les choses me paraissent plus belles quand je les découvre dans tes yeux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Les saisons passent à tire-d'aile et je chante les jours heureux. Les jours heureux à vivre à deux, à vivre à deux. Les jours heureux à vivre à deux, à vivre à deux. Et puis tout doucement tu m'invites à prendre ton corps. Tes doigts frémissent sur ma peau comme une vague d'écume d'or. C'est l'heure pâle au coin du jour, le moment des tendres aveux. Quand on sait se parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux. Quand on sait se parler d'amour, chanter ensemble les jours heureux. Les